Les soirs où je suis argentin, je m'offre quelques argentines, quitte à cueillir dans les vitrines des jolis quartiers d'Amsterdam, des lianes qui auraient ce teint de femme qu'exportent vos cités latines. Ces soirs-là, je les veux félines, avec un rien de brillantine collé aux cheveux de la langue. Elles seraient fraîches comme des mangues et compenseraient leur maladresse à coups de poitrine et de fesses. Mais ce soir, y a pas d'Argentine, y a pas d'espoir, et y a pas de doute, non. Ce soir, il pleut sur Knokke-le-Zoot, ce soir comme tous les soirs, je me rends chez moi, cœur en déroute, et la bite sous le bras. Les soirs où je suis espagnole, petite fesse, grande bagnole, elle passe toute à la casserole. Quitte à pourchasser d'Hambourg des Carmencitas de Faubourg qui nous reviennent de Vérole. Je me les veux fraîches et joyeuses, bonne travailleuse, sans parlotte, mi-andalouse, mi-onduleuse. De ces femelles qu'on gestapote parce qu'elles ne savent pas encore que Franco est tout à fait mort. Mais ce soir, y a pas d'espagnol, y a pas de casserole, et y a pas de doute, non. Ce soir, pleut sur Knokke-le-Zoot, ce soir comme tous les soirs, je me rends chez moi, cœur en déroute, et la bite sous le bras. Les soirs où je suis Caracas, je Panama, je Partagas, je suis le plus beau, je pars en chasse. Je glisse de palace en palace pour y dénicher le gros lot qui n'attend que mon coup de grâce. Je la veux folle comme un travelo, découverte de vieux rideaux, mais cependant évanescente. Elle m'attendrait depuis toujours, cerclée de serpents et de plantes, parmi les livres de Dutour. Mais ce soir, y a pas de Caracas, y a pas d'évanescente, y a pas de doute, non. Ce soir, il pleut sur Knokke-le-Zoot, ce soir comme tous les soirs, je me rends chez moi, cœur en déroute, et la bite sous le bras. Oui. Demain. Oui. Peut-être que. Peut-être que demain je serai argentin. Oui. Je m'offrirai des argentines. Quitte à cueillir dans les vitrines des jolis quartiers d'Amsterdam, des lianes qui auraient ce teint de femme qu'exportent vos cités latines. Demain, je les voudrai félines, avec ce rien de brillantine collé aux cheveux de la langue. Elles seront fraîches comme des mangues et compenseront leur maladresse à coups de poitrine et de fesses. Demain, je serai espagnole, petite fesse, grande bagnole, elles passeront toutes à la casserole. Quitte à pourchasser d'Hambourg des Carmencitas de Faubourg qui nous reviendront de Vérole. Oh, je les voudrais fraîches et joyeuses, bonnes travailleuses sans parlotte, mi-andalouses, mi-onduleuses. De ces femelles qu'on gestapote parce qu'elles ne savent pas encore que Franco est tout à fait mort. Les soirs que je suis Caracas, que Panama, je Spartagas, je suis le plus beau, je pars en chasse. Je glisse de palace en palace pour y dénicher le gros lot qui n'attend que mon coup de grâce. Je la veux folle comme un travelot, découverte de vieux rideaux, mais cependant dévanescente. Elle m'attendrait depuis toujours, cerclée de serpents et de plantes, parmi les livres de Dutour.